envie d'Italie. En français? Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement, d'ici. Davvero molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di veder de cervellare. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chadet, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete la macchina girare, dal vecchio ammirate la testa, via volare. Franco Basaglia a commencé sa carrière médicale en 1961, en prenant la direction de l'hôpital psychiatrique de Gorizia, non loin de Trieste, à la frontière yougoslave. Gorizia était ce qu'étaient à l'époque tous les hôpitaux psychiatriques italiens, une vaste infirmerie où les patients attendaient la mort. Avant, ceux qui étaient ici priaient pour mourir. Autrefois, quand quelqu'un mourait ici, les cloches sonnaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et quand les cloches sonnaient, tout le monde disait « Oh mon Dieu, si seulement c'était mon tour. Je suis tellement fatiguée de mener cette vie ici. Combien d'entre eux sont morts qui pourraient être vivants et en bonne santé ?» Au contraire, ils étaient découragés parce qu'il n'y avait plus d'issue. Ils ne voulaient plus manger. On leur mettait de la nourriture par le nez avec un tube, mais il n'y avait rien à faire. Parce qu'ils étaient enfermés ici, sans aucun espoir de sortir. Comme une plante quand elle est brûlée, car il ne pleut pas, et les feuilles fanent. Comme ça étaient les gens ici. Pas et les feuilles fanent. Comme ça étaient les gens ici. À l'époque, il suffisait la signature d'un médecin, affirmant que le patient était un danger pour lui-même ou les autres, pour que ce dernier soit interné à vie. Un mois plus tard, il perdit tous ses droits civils et devenait un simple numéro. L'électrochoc constituait une thérapie. L'inactivité était presque totale. La contention physique pouvait durer des années. Oui, j'ai été liée avec le corsage de force et j'ai subi la scouffe, vraiment, je vous jure, je m'ai rebellée, je me suis révoltée et il m'est lié. Il me faisait en plus ça, la scouffe. Et parce que je me rebellais trop pour faire la scouffe, il nous mettait un drap sale d'urine autour de la tête et le serrait après très fort autour du cou et je n'arrivais plus à respirer. Thank you. En plus du corsage de force, oui, il me faisait ça. Le drap si serré autour du cou que je n'arrivais plus à respirer. Ensuite, à cause de ça, ils m'ont même trouvé un souffle au cœur. Hai capito che ti conviene ubbidire? Molto bene. La séparation en pavillon ne se faisait pas selon des critères pathologiques, mais par comportement et par sexe. Les pavillons des patients tranquilles, des agités, des violents. Les patients n'étaient plus des individus, mais des objets interposés dans un lieu indéfini, totalement privé de personnalité. Pour décrire la situation psychiatrique actuelle en Italie, il faut partir de la loi 180 de 1978, passée à la postérité sous le nom de « loi Basaglia ». Elle a été le résultat d'une longue période de lutte anti-institutionnelle qui a commencé à Gorizia en 1961 et qui a vu la fermeture des hôpitaux psychiatriques. Le processus a duré presque 20 ans et les derniers hôpitaux ont été fermés à la fin des années 90. Basaglia n'a pas fermé les asiles. Il a ouvert une brèche au sein de l'institution, du savoir et de la médecine. Bonjour, Peppe dell'Acqua. Bonjour, Peppe dell'Acqua. Tu as été un élève de Franco Basaglia et tu es directeur du département de santé mentale de Trieste. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que Trieste a été une des villes phares dans l'application de la loi 180 en Italie, dont nous parlerons aujourd'hui avec toi. Tu es donc à Trieste depuis 35 ans, où tu as rencontré et travaillé avec Franco Basaglia. Pour commencer notre interview, je souhaiterais te demander qu'est-ce que c'était un asile psychiatrique en Italie quand tu as commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, l'asile psychiatrique en Italie était le même qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, ou à Santiago du Chili, ou au Japon. Les asiles sont pareils partout. Il n'y a aucune différence. On raconte que la psychiatrie est née à Paris. Avec Philippe Pinel, qui libère de la Salpêtrière et du Bicêtre les fous de leur chaîne. Et dès là, ils commencent la construction de nouveaux asiles. À travers cet acte, il construit des asiles, mais définit aussi la maladie mentale, qui n'est plus que la folie, la souffrance humaine indistincte, mais une maladie, c'est-à-dire que la médecine a le dessus. À partir de là, dans tous les pays européens, et ensuite à travers les colonies, cette culture psychiatrique des asiles est arrivée partout et de la même façon. Irving Goffman, un important sociologue canadien qui a étudié les asiles psychiatriques, Asylum est un des livres les plus importants. A défini des institutions totales. Pendant une rencontre avec Basaglia, il lui dit « On n'a pas besoin de connaître les langues quand on se rend dans les asiles du monde entier. Partout, on parle la même langue et celui qui connaît un asile est capable de comprendre les langues dans tous ces endroits. » Il retrouvera les mêmes portes fermées, la même absence de personnes, les mêmes murs, les mêmes chambres d'isolement. Ce sont ça les hôpitaux psychiatriques. Il n'y a pas de différence entre l'asile italien de 1971, l'asile anglais ou celui de Berne. Moi, j'en ai vu beaucoup. Ça fait 40 ans que je fais ce travail. Et ils sont tous pareils. Ils ont la même odeur qui est liée à la présence humaine. La sueur, les excréments, la nourriture fermentée, l'entassement humain, les cris, les silences. mais surtout l'absence des personnes en tant que telles. Il y a une présence d'objets qu'on appelle internés, mais il n'y a pas de personnes. Tu ne peux pas reconnaître l'autre parce qu'il est un interné, un malade mental. C'est à partir de cette observation que le travail de Basaglia commence. Ça, c'est donc ce que Basaglia avait trouvé et que toi aussi tu as constaté en arrivant à l'hôpital à Trieste. Des conférences ont eu lieu il y a quelques jours en Italie pour rappeler l'entrée de Basaglia dans l'hôpital psychiatrique de Gorizia. Il y a exactement 50 ans, c'était la fin de novembre de 1961. Et l'image, c'est celle que je viens de vous décrire. Face à ça, il y a une sorte d'horreur, de choc que Basaglia vit. Car il vient de l'université, mais il a appris à voir ce qui se passe dans les asiles. Et il voit cette absence, cette violence. Et il est tenté de s'échapper, de ne pas accepter ce rôle. Ed è tentato ad andar via, a scappare, certo. A non accettare quell'incarico. Alla fine lo accetta proprio nella convinzione. Finalement, il l'accepta, tout en étant convaincu qu'il est en train d'accepter un pari, qu'il peut perdre d'un instant à l'autre, mais dont le but est celui de donner à ces personnes la possibilité de mettre la maladie entre parenthèses. Et c'est à partir de cela que toute l'histoire de Basaglia commence. Lui-même avait dit que c'était possible d'assister la personne folle autrement. Oui, à partir de là, ce n'est plus le malade mental, mais la personne. Il comprend que cela est possible. Les 10 ans de Gorizia lui feront comprendre tout cela. Et les 10 ans de Trieste, de 1971 au 1979, sont la réalisation, l'enracinement dans une organisation territoriale communautaire à travers les centres de santé mentale et l'écroulement des murs des asiles qui rendent concrète sa conviction. Daranno corpo a questa convinzione. Quando lui dice è possibile assistere in un altro modo, lo dirà. À la fin de l'expérience de Trieste, au cours d'une de ses conférences brésiliennes, il dira que c'est possible d'assister d'une autre façon, que tout est possible, qu'on peut revenir à l'arrière, que tous ne feront pas ce qu'on a fait, mais on ne peut pas ne pas s'apercevoir du fait qu'on peut soigner, assister, soutenir les personnes folles d'une autre façon. C'est peut-être ça qu'en France il faudrait comprendre, parce que j'ai l'impression que la France, même s'il a été le berceau et incitation pour beaucoup d'entre nous, pour ces Foucault, pour ces Pinel, pour Bonafé, Sartre, après elle n'a pas fait grand-chose. En France, il y a beaucoup de personnes institutionnalisées, on fait recours très fréquemment aux portes fermées, et à la contention, personne ne dit rien, on parle de psychiatrie, du danger, et Basaglia a montré qu'on peut faire tout cela de façon différente, d'une autre façon. En effet, tout le travail de Franco Basaglia et de toutes les personnes qui ont travaillé avec lui a servi pour arriver à la loi 180, connue aussi comme loi Basaglia, approuvée le 13 mai 1978. Norberto Bobbio l'a défini comme la seule vraie loi de réforme de notre pays. Peux-tu me dire comment il a été possible de convaincre les psychiatres à sortir de leur forteresse? Quels ont été les éléments qui ont créé un consensus autour de cette loi? La question est belle, car ceux qui ont le plus résisté dans la forteresse de l'hôpital psychiatrique ont été les psychiatres et les médecins. Je ne crois pas qu'ils l'ont abandonné, ou mieux, tous l'ont abandonné. Et ça, c'est une qualité dont nous pouvons être fiers. En Italie, les hôpitaux psychiatriques n'existent plus. Toutefois, les cultures qui soutiennent les institutions psychiatriques ont beaucoup de mal à changer. D'un côté, en Italie, nous avons la loi que tu as citée et qui est très simple, car Elle rend le droit constitutionnel aux personnes avec des problèmes mentaux et donc elle leur rend la possibilité de négocier, d'avoir le droit aux soins, à la santé et d'avoir aussi le droit à une maison, à un travail, à avoir des enfants. Et donc la mise en place des parcours, des coopératives sociales, des associations, des centres de santé mentale et territoriale se sont développés un peu partout de façon plus ou moins complète. On dit que le modèle de Trieste est celui qui a travaillé le plus dans cette direction. Mais même dans notre région, les Friuli-Vénétie-Julienne, on a fait le même. De l'autre côté, il y a des résistances des cultures, les résistances du privé. Je crois que cette loi était une grande réforme, comme Bobbio l'a dit, surtout parce qu'elle a changé d'un jour à l'autre. Elle a inversé la condition de la personne avec des troubles mentaux, qui est donc passée d'une condition d'absence des droits et des citoyennetés à une condition de présence dans la Constitution. Finalement, il faut voir si vraiment les psychiatres ont abandonné leur forteresse. Sûrement, pour reprendre un discours de Basaglia, l'asile, que dans ce cas on peut voir comme un navire qui est en train de couler, la forteresse est abandonnée. Mais on n'exclut pas la possibilité que d'autres navires apparaissent à l'horizon et d'autres forteresses petites et plus armées naissent dans la vie sociale et dans la santé des citoyens. C'est une contradiction qu'il faut garder toujours à l'esprit, celle entre santé et maladie, entre liberté et oppression, entre contrainte de soins et négociation, entre la possibilité que les personnes doivent et puissent avoir et le destin figé et rigide auquel beaucoup de malades mentaux sont condamnés en Europe. Sur la possibilité évidente d'être soigné et de réussir, et sur la négation de cette possibilité, car les soins et les institutions empêchent ces personnes de grandir et donc empêchent leur guérison. De fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la conception de la maladie mentale a changé plus dans l'opinion publique que dans le milieu des psychiatres. Oui, tu as bien compris. Je crois que cette condition, cette forteresse, continue à résister par l'industrie pharmaceutique, les lobbies, les académies, les universités. Néanmoins, il y a une condition générale où les citoyens ont compris qu'ils peuvent exiger de vivre bien. Et donc, cela ouvre la contradiction dont je t'ai parlé. Toutefois, je crois que c'est difficile d'imaginer une condition de non-difficulté de cette situation. Il faut rester dans cette contradiction et alimenter la dialectique. Un pays qui a une bonne psychiatrie, une bonne santé mentale, est un pays qui discute de tout cela. Voilà pourquoi je dis que l'Italie est un pays exemplaire. Les pays dans lesquels on ne parle pas de ça, car tout est géré par la médecine, par les psychiatries, ne donnent pas de possibilités, de bonnes conditions. On sait que la loi 180 a eu des problèmes bureaucratiques qui ont retardé son application définitive partout en Italie. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé exactement ? Moi, je dis que c'est passé ce qui devait se passer. Par rapport à l'importance et à l'immensité du changement, ce changement a été réalisé en 20 ans. En 1998-1999, c'est-à-dire 20 ans après la loi, le ministre de la Santé de l'époque a déclaré la fermeture de tous les hôpitaux psychiatriques en Italie. Si cela était l'objectif, il a été atteint 20 ans après à travers une forte régionalisation de l'organisation de la santé mentale, des lois de la santé mentale dans chaque région. Pendant ces 20 ans, s'est dotée d'un propre plan sanitaire pour la santé mentale et a défini ses investissements, a construit ses objectifs, ses horizons de développement. Come dire, costruito i suoi disegni, i suoi orizzonti di sviluppo. Ovviamente questo è stato un grandissimo vantaggio perché ha riportato. Bien évidemment, cela a été un grand avantage, car il a rapproché les problèmes de la santé mentale et de la programmation des citoyens, des administrateurs territoriaux, des communes, des provinces, des associations. Mais en même temps, la conséquence de ça a été une grande différenciation parmi les régions sur les modalités de réalisation de cette loi. Donc les retards sont dus au temps que dans chaque région, la loi nécessitait pour être mise en place et traduite par des lois régionales pour les structures locales. Norme e leggi regionali e da qui poi a indicazione per le singole strutture locali. È un processo che è stato un processo lungo, però credo che si sia. Le processus a été long, mais je crois que ça s'est terminé. Et c'est terminé aussi l'aspect le plus important, celui dont Bob parle dans la phrase que tu as citée. C'est-à-dire la restitution des droits. Un droit rendu n'est pas forcément un droit acquis, mais cela signifie que le citoyen peut revendiquer ses droits. Certo. Et en plus, la France, l'Allemagne, par exemple, remarquent la différence entre Trieste, Rome, Milan, Gênes. Cela est sûrement vrai. Il existe des modalités et des niveaux différents de développement des services de santé mentale. Quelques-uns sont excellents, reconnus par l'Organisation mondiale de la santé, et ils sont placés de façon innovante et efficace dans la communauté, la présence de ressources pour soutenir et soigner, pour donner la possibilité de guérison aux personnes. Dans d'autres régions, ils sont très mauvais, mais cela fait partie de la logique de la condition actuelle de l'Italie. Dans tous les différents domaines, les écoles, les hôpitaux, les tribunaux, les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports, tu peux voir ces différences au niveau régional qui sont devenues plus fortes dans les dernières années car il y a eu le choix de régionaliser qui fait partie de notre constitution. Mais dans une situation faible des gouvernements centraux, cela entraîne des différences et des fragmentations. Mais je crois qu'il faut le voir dans cette optique. Les droits du citoyen avec des troubles mentaux, le droit d'être soigné, de guérir, tout ça est un droit reconnu dans toutes les régions. C'est évident que les institutions régionales sont mises à la preuve grâce à la poussée des citoyens. En fait, Basaglia lui-même savait très bien que cette loi n'aurait pas pu avoir une application linéaire et sans conflit. Ni linéaire, ni immédiate, ni homogène. Il en était parfaitement conscient. Il y a d'ailleurs une interview assez drôle que Basaglia, peu avant de mourir, a fait à des politiciens de l'époque, où la demande d'ouverture est « Mais vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez fait en votant cette loi ?» Il les provoque en leur disant que, bien au-delà de ces changements culturels qu'ils affirment, il y a un engagement et un défi énorme. Selon Franco Basaglia, le malade devait rester un citoyen de la cité. Le territoire est le lieu du travail thérapeutique. En 1980, après la loi Basaglia, on découvre le besoin d'inventer des institutions capables de garantir la permanence des malades dans le contrat social, en faisant face aux problèmes de marginalisation. Les hôpitaux psychiatriques commencent à fermer leurs portes et laissent aussi la place à un réseau de services territoriaux alternatifs. Le dispositif clé des soins psychiatriques devient alors le centre de santé mentale. Giuseppe Dell'Acqua nous en dit plus. Dalla metà degli anni 70 hai iniziato a lavorare. Depuis la moitié des années 70, tu as commencé à travailler à l'expérimentation des premiers centres de santé mentale territoriaux ouverts 24 heures sur 24. Et nous savons que ce type de système a garanti aux personnes malades un contact social avec leur réalité. Peux-tu mieux nous expliquer ce type de travail? Je crois que c'est ça le cœur de la question concrète sur laquelle notre travail s'est développé. La question était simple. Nous devions créer une alternative à la totalisation de l'asile. L'asile, ce sont 24 heures d'assistance. Ils pensent à te réchauffer, à te protéger, à te nourrir et à te tenir tranquille. Si on ferme les asiles, que se passe-t-il? Il faudra construire dans les territoires et investir des ressources pour que ces personnes puissent être accueillies, soignées, soutenues dans leur vie au quotidien et accompagnées dans leur parcours d'émancipation. L'instrument pour faire ça nous a semblé parfaitement clair, aussi sur la base d'expériences européennes. En France, par exemple, la dite psychiatrie des secteurs avait fait école, ce qui voulait dire aller travailler dans un territoire défini. À partir d'expériences déjà existantes, on a créé les centri di salute mentale, les centres de santé mentale. Qu'est-ce que c'est? C'est un lieu, une maison, il y en a un pour 60 000 habitants. Avec une équipe d'environ 40 personnes, entre psychiatres, psychologues, infirmiers, coopérateurs sociaux, chargés des propriétés. Il y a une cantine, des lits, 5 voitures pour pouvoir contacter les personnes, aller chez eux, faire en sorte qu'ils puissent venir à n'importe quelle heure du jour. Avec un accès très simplifié et non bureaucratisé. Et cela permet de résoudre plein de situations conflictuelles dans les territoires, de donner des possibilités alternatives de se soigner et de construire des programmes thérapeutiques qui sont souvent pensés expressément sur les nécessités de la personne. Cela a amené à des bons résultats, qui sont des portes ouvertes partout. Même le secteur des urgences n'est pas fermé. Il n'y a pas de contention. Toutes les thérapies que nous considérons comme traumatisantes et dangereuses, telles l'électrochoc, ont été abolies depuis 40 ans. Nous n'appliquons pas les traitements sanitaires obligatoires comme ailleurs en Italie et en Europe. Et nous avons très peu de traitements obligatoires. Nous ne faisons pas appel aux hôpitaux psychiatriques judiciaires. Nous avons un service en prison qui nous permet de développer des programmes alternatifs pour ces personnes qui, à cause du problème mental ou du malaise social, ont commis des délits et qui ont donc besoin d'un parcours bien plus intense avant leur retour dans la société. Dans ces programmes, il y a évidemment une critique constante au modèle psychologique et médical. Pour nous, le centre du travail est la personne plutôt que la diagnostic ou les symptômes. Tout le travail de changement et de désinstitutionnalisation est l'affirmation d'un principe qui veut voir la personne au centre de l'attention, les besoins de la personne au-dessus des règles et des hiérarchies. Que la personne et ses besoins sont mis au centre de l'attention. C'est ça le cœur de la question, avec tant d'autres bons principes. Malheureusement, aujourd'hui, la défense de la sécurité est devenue le mot d'ordre de nombreuses propositions de loi en France comme en Italie. Oui, ils essaient de mettre à nouveau les malades mentales, ou mieux les personnes qui vivent la souffrance et les malaises mentaux, au centre de l'attention des programmes de sécurité. all'interno dell'attenzione dei programmi di sicurezza. Il y a aussi beaucoup de psychiatres qui malheureusement se sentiraient investis à nouveau d'une autorité qu'ils avaient perdue avec de nouvelles lois de ce type. Je crois qu'on résistera à cela, même si ce n'est pas facile. Je sais qu'en France, la situation est dramatique. La sécurité a pris là-dessus, les services de sécurité existent, beaucoup de gens vivent en dehors de tout droit. Dans les pays de la Révolution bourgeoise et de l'État de droit, c'est inacceptable que l'État s'occupe de ses citoyens de cette manière. Qu'ils les traitent pour ce qu'ils sont plutôt que pour ce qu'ils ont fait. Ils ont une maladie et donc ils sont considérés dangereux et donc doivent rester dans ce lieu où la psychiatrie continue de faire mourir des personnes. Je crois que la France devrait s'interroger là-dessus. Il y a tellement d'opportunités de faire autrement. Il y a par ailleurs beaucoup de programmes très riches et intéressants en France dans d'autres domaines. Bien retrouvé sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, comme tous les premiers lundis du mois, c'est l'émission Envie d'Italie qui vous accompagne. Avant de continuer notre réflexion autour de la psychiatrie des aliénistes italiennes, nous faisons une petite pause musicale en compagnie du chansonnier Ivano Fossati et avec son morceau « L'uomo coi capelli da ragazzo ». L'uomo avrà 40 anni e i capelli da ragazzo, in mezzo al cortile tiene l'anima per sé. Il medico lo guarda, il medico tranquillo lo ascolta, lo lascia servire in tavola tutte le volte che c'è. Così parlano del tempo, di questo vento che porta via e poi ancora del mare, di questo bel mare di Lombardia, che cresce intorno ai muri come seminato a grano, dove di notte canta e soffia qualche vapore lontano. Chi venisse a prenderlo una domenica vedrebbe che bel mare che c'è. Qui un ricordo non è uomo, il più delle volte nemmeno donna. Qui è il tempo che sta seduto a mettere i numeri in colonna, non per tracciare una rotta che non si può dare una via, quando a un acuto dolore segue una più acuta fantasia. L'uomo avrà 40 anni e i capelli da ragazzo, in camera ha un ritratto che si è fatto da sé. Chi venisse a prenderlo una domenica vedrebbe che bel mare che c'è. Marco Cavallo, Marco le cheval, c'est un immense cheval bleu roi, en carton de pâte, construit en 1973 par des artistes et des malades, dans les murs de l'hôpital psychiatrique San Giovanni de Trieste, en hommage à un vieux cheval de corvée, Marco, qui, comme la plupart des malades, avait passé toute sa vie à l'asile en transportant du linge sale. A Trieste andò tutto più veloce. Furono i pazienti stessi a rivendicare i loro diritti. Grazie ad un grande sciopero si costituì la cooperativa Lavoratori Uniti. Da matti senza diritti erano diventati lavoratori salariati. Ma siccome l'uomo non è solo quello che mangia, la creazione dei laboratori d'arte rispondeva ad un bisogno più intimo. E in questo ci aiutarono scultori, pittori e registi teatrali. Vieni che dobbiamo finire. Tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità decise di nominare il San Giovanni zona pilota per i servizi di salute mentale in Europa. Proprio bello questo cavallo, Mara. Lo posso far vedere ai miei allievi in accademia? Non è ancora finito. E poi non so un cavallo. Sei Marco. Ma cos'è che gli hai messo nella pancia di Marco Cavallo? La mia casa e il mio bambino, così quando Marco Cavallo esce lo ritrova. Come quando esce? Sì, Marco Cavallo esce. Mica male come idea. Ok. Je sais, j'ai lu que dans le parc de l'ex-asile de Trieste, il y a écrit en grand en graffiti sur un mur « La liberté est thérapeutique ». Il a été fait en 1973 et il est toujours là. Tu peux nous en dire plus ? Oui, il a été fait par Ugo Guarino. « La liberté est thérapeutique » a été écrit sur la vague de l'émotion juste après l'arrivée des militaires du Pinochet à Santiago du Chili. Au moment même où nous ouvrions les portes des asiles, le Chili allait se fermer dans une terrible dictature. Hugo a donc écrit cette phrase « La liberté est thérapeutique » qui est devenue une parole d'ordre, un slogan important et riche de sens. Quelques années après, cette phrase a été reprise en développant l'essence par le cardinal Martini dans une messe à Milan où il a dit la citoyenneté est thérapeutique. Évidemment, la liberté doit englober la citoyenneté et la citoyenneté englobe la liberté et vice-versa. C'est une affirmation complexe où les mots thérapeutiques perdent force à côté des mots si forts comme liberté et citoyenneté. C'est un paradoxe important pour comprendre que pour imaginer le respect et les soins de l'autre, et que l'autre puisse être un autre moi, il faut affirmer sa liberté et ses droits. In assenza di libertà e in assenza di diritto. Parlando di libertà terapeutica, en parlant de liberté thérapeutique, je pense à l'idée de Marco Cavallo. Che è l'idea en di Marco 1973, Cavallo. Tu as contribué avec Giuliano Scabbia e Vittorio Basaglia a questa esperienza del laboratorio che ha dato naissance a Marco Cavallo, Marco Cavallo, che è un cavallo azzurro, bleu, che è appunto il simbolo della libertà e dei droits acquis par les fous. Riconquistati i diritti dei matti, cette expérience diciamo. Et nous dire comment ci elle puoi raccontare ancora un po' questa esperienza e come continua anche oggi? Il cavallo nasce nel primo... Le cheval est né dans le premier service qui s'est vidé à San Giovanni. Nasce perché Basaglia... Il naît parce que Basaglia avait appelé des artistes, des réalisateurs, des acteurs, des sculpteurs, comme ce sera le cas pendant toutes les années 70. Il y aura toujours une volonté de mélanger les cartes, de se confronter, d'interagir entre philosophes, architectes, instituteurs, enseignants. Dans ce service, on a donc construit ce cheval, qui s'inspirait d'un cheval qui existait vraiment à ce moment-là et qui servait à transporter les petits chariots du linge sale depuis l'hôpital sur la colline. Le cheval était vieux, il allait être abattu et les patients, ils ont fait une pétition pour qu'il aille finir ses jours dans une ferme, chose qui sera faite. Puis pendant un laboratoire, une vieille dame dessina le cheval en mettant dans son ventre plein d'objets. E les artistes qui étaient présents avec les étudiants de l'Académie de Venise décident que finalement le cheval sera l'objet symbole qu'ils cherchaient. Après, il est devenu bleu, il est sorti et il a commencé une histoire qui n'est toujours pas terminée. Ça fera 40 ans d'existence dans 2 ans et c'est extraordinaire de voir comment ce cheval symbolique a chargé son corps de toute cette histoire. Aujourd'hui, le cheval, où qu'il aille, il est reconnu. Il a été en France aussi et il a donné naissance à une association qui s'appelle justement les Chevals Bleus. Il a été dans les asiles en Allemagne, en Espagne, où il s'appelle la Caravana Azul. En Italie, il a été partout, du sud au nord. Cette année en particulier, il n'a pas arrêté de tourner. Il a rencontré le maire de Naples tout récemment. Il a été au Festival des Marques, le Festival des Fous, à Venise juste après. Et aujourd'hui, il est à Pesaro. Tant et si bien que nous avons décidé que cet hiver, il devra se reposer car il commence à être vieux. Le cheval est tout ça. Son image et son symbole est reconnu en Italie et partout ailleurs. Comme à San Francisco, où j'ai été récemment, et j'ai rencontré des étudiants en anthropologie, et plusieurs d'entre eux avaient écrit leur mémoire de thèse sur Marco Cavallo et sur sa signification. Le cheval bleu a un ventre énorme, capable de contenir tous les désirs non réalisés de chacun. Un beau jour de 1974, Marco Cavallo décide de sortir de l'hôpital, supporté aussi bien par l'équipe soignante que par ses créateurs. Comme il est trop grand, il ne peut pas passer par la porte. Alors, Basaglia décide de la casser pour le faire sortir. Piano, piano, piano. Ecco, ecco. Occhio. Ecco, ecco. Occhio al canton, occhio al canton. Sta attento. Tira, tira. Attenti su. Così, così, così. Proviamo ad alzare, ad abbassare la testa, dai. Forza, forza. Su, su, su, salta, di più, salta, di più. Salta, no, ah sì, che c'è la palla. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mettete giù. Come facciamo adesso? Troppo, è chiaro. Sì, ho capito io. È sempre la stessa storia. Proviamo dalla porta del giardino. Tony, la porta del giardino sei ancora più piccola, dai. Come abbiamo fatto a non pensare? Non è una moto. L'andar fuori, il che ha paura, si è diventato matto come noi. La dobbiamo smontare e quando la portiamo fuori la rimontiamo. Non si può smontare, Cughi, e rischiamo di romperlo, no? La colpa è di tutti, troppe robe nella pancia. Di qui non si esce anche se sei un cavallo finto. Parlate, parlate, non avete capito un cazzo. C'è tutto un compoto, sono quelli fuori a allungare il collo per non far uscire. Non possiamo fare niente, se insistiamo rischiamo di fargli male. Sto cavallo va fuori, spacchiamo tutto! Sembrava possibile, anche che un cavallo di cartapesta con la pancia piena di desideri galoppasse per le vie di Trieste. La casa, un lavoro, l'amore, i pazienti volevano le stesse cose che vogliamo tutti, ma non basta affermare un diritto per realizzarlo. La battaglia era ancora lunga e l'esito per niente scontato. Marco Cavallo, ce cheval symbolique né de la fantaisie d'une petite dame internée, nous raconte beaucoup sur le rôle de l'art dans la libération des fous. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'art comme thérapie, mais l'art comme expérience primordiale, un lieu d'expression où il est possible de renouer avec le plus profond de soi-même, avec ses rêves, ses angoisses. Le fou, comme l'artiste, est capable de sortir au grand jour son expérience intérieure. Franco Basaglia disait vouloir utiliser l'art comme un virus pour raviver les rêves. Le résultat, ce sont des œuvres surprenantes, étranges, foisonnantes. Une production artistique qui a fait l'objet de multiples définitions. Art brut, art outsider, art marginal, art irrégulier. Mais ces œuvres échappent souvent et se libèrent de toute définition et de toute appartenance. Cette forme d'expression libre surgit du même mouvement qui dépasse les limites, qui ouvre des portes. Les portes des asiles, comme les portes de la perception. Si au début des années 1900, des collectionneurs commencent à s'intéresser à la production artistique des fous et des internés, ce n'est qu'à partir des années 60 qu'il se développe l'expérience des laboratoires créatifs et artistiques à l'intérieur des hôpitaux psychiatriques les plus ouverts. L'expérience de Basaglia en ce sens est importante, mais elle n'est pas la seule. Alors bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de tout ça avec Margherita Poli. Bonsoir Margherita. Bonsoir. Tu es chercheuse indépendante et tu as fait des études en psychologie de l'art. Oui. À Bologne. Et tu as travaillé dans un hôpital psychiatrique de Lima, au Pérou. Oui. Où tu as travaillé en fait à la sauvegarde du patrimoine artistique des patients de cet hôpital. Tout à fait. Alors, on voulait commencer cette interview en te demandant, en fait, en Italie, il existe de nombreux ateliers d'art qui offrent aux malades mentaux un espace pour la création. Certains parmi eux ont une longue histoire et travaillent en réseau avec des artistes professionnels, des musées, mais aussi des collectionneurs étrangers. Je voulais savoir quels sont les exemples les plus significatifs selon toi. Alors, il y a un exemple parmi les plus importants de reconversion des lieux de soins qui est le MAP, que c'est le musée d'art Paolo Pini, qui est situé dans le quartier Afori à Milan. Le MAP est né de la collaboration du département de santé mentale de l'hôpital Niguarda de Milan avec deux psychothérapeutes, Teresa Melorio et Enza Baccei, et des galeries d'œuvres d'art contemporain. Le MAP est une citadelle à ciel ouvert. Sur les murs, des pavillons, dans le jardin, on retrouve partout des œuvres d'art, des artistes, par exemple, comme Enrico Bai, Buell, Gunther Bruss, Paolo Canevario, Letizia Cariello, ont travaillé directement avec les artistes ou bien ils ont donné leurs œuvres au musée. Le Paolo Pini est aussi un lieu où l'art sort de cadre et rentre dans des lieux où on n'a pas l'habitude de l'admirer pour remplir, comme dans ces cas, des espaces qui sont l'emblème de la réclusion et de la manque de communication. Il s'agit aussi d'un travail de récupération d'un lieu désaffecté qui devient un nouveau site dédié à l'art et à la culture à faveur des citoyens, de tous les citoyens d'ailleurs. Alors nous savons qu'il y a même des fous, des malades qui sont devenus artistes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Il y a un peu le symbole de ça qui est la Tinaia, qui est un très beau exemple de centre de réhabilitation des patients qui se trouve dans l'hôpital San Salvi de Florence. Les tout débuts, l'atelier fut aménagé dans une ancienne ferme qui à l'époque servait de dépôt de cuves. La Tinaia ouvre ses portes officiellement en 1975, même si déjà depuis l'année 59, on utilisait l'art complètement aux soins. Nombreuses sont les activités, modelage de l'argile, de la céramique, mais aussi peinture et dessin. Il faut dire tout à fait que les œuvres de certains artistes de la Tinaia sont maintenant présentes dans des collections permanentes, parmi les plus importantes, publiques et privées. Par exemple, les œuvres de Giordano Gelli, Marco Raugei, Franca Settembrini sont incluses aussi dans des expositions internationales toujours dédiées à cette forme d'art. La Tinaia collabore aussi avec la coopérative Laboratoire d'images Big Sur autour du projet ARB. Les images des œuvres des artistes que l'on vient de citer sont reproduites sur des différents supports comme des t-shirts, des sacs, des cahiers, afin de soutenir le travail des ateliers, mais aussi pour mettre en valeur cette modalité d'expression artistique. Alors nous savons qu'en Italie, ce type d'art est très peu connu. Il n'existe pas de musée, comme par exemple il en existe en France ou en Suisse autour de l'art brut. Mais quand même, il y a une certaine attention qui commence à naître. Il y a notamment des galeries ou une galerie qui s'occupe d'art irrégulier, comme on dit en Italie. Oui. Il y a à Turin la galerie Rizzomi qui a ouvert ses portes le mois d'octobre de l'année dernière, qui a consacré sa première exposition avant 5 créateurs. L'exposition s'est titrée Superficie distanti, surface d'instant. Et dans ce cas, par exemple, on a pu admirer les œuvres de Gianluca Pirotta, qui c'est d'origine de Palerme, en Sicile, mais qui fréquente depuis 1999 l'atelier Mano Libera di Carpi, et fait des dessins dont parmi les trames des lignes, on peut entrevoir des bâtiments, des fenêtres, des figures derrière les grilles. Il a aussi, la Galleria Rizzomi a aussi consacré une exposition à l'œuvre de Giambattista Podestà, qui est un des plus importants artistes bruts italiens, avec Carlo Zinelli et Giuseppe Zivieri, qui est un artiste Podestà presque prophète, qui vivait près du lac Majeur et faisait des compositions en haut relief avec des couleurs scintillantes, avec des images très riches tirées de la liturgie chrétienne, où la thématique de la mort était omniprésente. Par exemple, on a toujours des squelettes qui embrassent des corps ou qui les tirent vers soi. Voilà. Merci, c'était très intéressant. Merci, Margherita. Et donc, en fait, en Italie, il y a très peu d'attention pour ce type de création. Et les concepts donc, d'art brut ou art irrégulier est peu ou pas connu. On est donc d'autant plus fiers de vous présenter une interview réalisée avec Gustavo Giacosa, un Argentin installé à Gênes depuis plus de 20 ans et collaborateur du metteur en scène Pippo Del Bono, et qui s'est passionné et engagé depuis longtemps dans une recherche sur les rapports entre l'art et la folie. Et on a aussi le plaisir de vous rappeler et de vous anticiper qu'il inaugurera une exposition dont il est co-commissaire et dont le titre est « Banditi dell'arte », une exposition qui aura lieu à la Halle Saint-Pierre à Paris entre avril et décembre 2012. On va écouter l'interview. Bonjour Gustavo Giacosa. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à Paris Pluriel. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer l'interview, je voulais te proposer de parler un petit peu de ton parcours. D'artiste, de comédien, de danseur aussi. Et voilà, tu es argentin. Pourquoi tu es parti de l'Argentine alors? Disons, pour un moment de crise. J'étais invité à parler de la fameuse crise. et disons, un moment de passage que j'ai ressenti. Dedans moi, j'étais en train de finir mes études de littérature. Mm-hmm. J'envisageais la possibilité d'arriver en Italie à cause de ma famille, car mes grands-parents sont italiens. Mm-hmm. Et donc, je me disais, bon, tiens, c'est la porte de l'Europe. Et il faut que tu t'en vas et tu essayes de trouver de nouveaux chemins. Et donc, j'ai tout quitté. Je suis arrivé avec une petite valise, sans aucune personne qui m'attendait à l'aéroport, sans aucun contact, sans rien du tout. Et donc, j'étais surtout poussé par une inquiétude intérieure, personnelle, une nécessité de briser des limites, commencer une nouvelle aventure. Donc. Et quels sont justement tu parlais des chemins, c'est quoi les chemins que tu as trouvés en Italie? Ça me plaît de parler des mystiques des rencontres. Je pense que les rencontres entre les êtres humains ne sont pas si par hasard. Et donc, ce n'est pas par hasard, je crois que à peine je venais d'arriver en Italie, je retrouve Pippo Del Bono. Et donc, Pippo Del Bono qui faisait un tout premier stage pour travailler sur un R5. Et donc, je disais, bon, tiens, je voudrais participer. Et à partir de là, commençait une aventure théâtrale, mais avant tout humaine, de suivre un grand maître de théâtre, que c'est Pippo Del Bono, non? Et c'est quelque chose pour moi très étrange, non? Ça veut dire, j'étais habitué à penser que comme tout le monde, non, que si tu voulais faire les comédiens, tu devais faire l'académie, tu devais faire des cours. Moi, je faisais déjà de théâtre en Argentine avant de quitter le pays, mais disons pas à un niveau professionnel, c'est comme une partie de la fac, non. Et donc, ce que me proposait Pippo, au début, ça me ressemblait vraiment très, très étrange. Ça veut dire quelque chose qui me faisait un peu penser à l'idée italienne de bottega, non? De, comme en faisant les anciennes écoles de peinture de la Renaissance, non? Tu allais à suivre un maître, non? Mais ce maître-là, à ce moment-là, ça ne me ressemblait pas du tout à un maître. Non, ça veut dire quelqu'un qui était très blessé par la découverte de sa séropositivité, de sa maladie. Il était très pauvre, on n'avait pas de spectacle à jouer. Et donc, de suivre une personne comme ça, c'était vraiment quelque chose de fort. En même temps, lui avait une grande conviction sur son rôle de maître, non? Il avait une grande conviction de savoir qu'il y a dedans lui quelque chose que lui maîtrise et que peut communiquer à des autres. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'accepter ça et bon, m'engager dans une aventure que c'est vrai qui m'a mené très loin. Maintenant, ce sont 20 ans que je travaille avec lui et j'ai participé à toutes les productions, à toute l'aventure théâtrale humaine, que ça veut dire les rencontres avec Bobo, les personnes provenant du monde de la marginalité sociale et de la maladie. J'ai tout vécu au 100%. Maintenant, 2011, c'est arrivé le moment de mettre à point certaines choses de mon parcours artistique. Et donc, j'ai décidé de quitter la nouvelle production de Pippo. Et pour la première fois depuis 20 ans, et de me concentrer sur mon parcours autant que commissaire des expositions d'Art Outsider ou Art Brut et Art Contemporain aussi. À partir de 2005, un peu par hasard, comme je disais, mais je crois que le hasard n'existe pas, je viens à découvrir dans une exposition à Liège le travail d'un artiste qu'il était enfermé pendant toute sa vie à l'hôpital psychiatrique de Voltaire, et Franco Bellucci s'appelle lui, et j'ai resté assez étonné de ce travail. Et donc quand je suis retourné en Italie, je m'ai mis en contact avec l'agent qui avait amené lui jusqu'à Liège, et donc j'ai commencé une recherche justement sur la relation entre l'animateur des ateliers d'art pendant les hôpitaux ouverts après la loi Basaglia, la loi 180 qui en Italie impose l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, non? Donc ce type d'expérience qu'ont vécu naturellement au niveau théâtral dans la compagnie avec Bobo, avec Nelson, avec des autres personnes, j'étais intéressé de voir comment c'est passé dans les arts visuels. Et donc ça, c'était un peu le point de démarre de mon première exposition qui s'appelait « Deux, mais pas deux, ouverture et rencontre dans les années post-Basaglia ». 2008, c'était la commémoration, d'une certaine façon, de la loi Basaglia en Italie. Quelque chose que parfois c'est un peu difficile d'expliquer en France, car quand on parle, on rassemble des babacool un peu resté dans les années 70. Mais c'est vraiment pas ça. C'est quelque chose qu'on est orgueilleux, vraiment, qu'on est fier. En Italie, de défendre, même s'il y a eu beaucoup même maintenant, des difficultés à la mettre vraiment en place, cette loi, c'est quelque chose à niveau conceptuel, très, très, très important. Ça veut dire la destruction de l'idée surtout des concepts de l'hôpital ou comme lieu fermé. À niveau conceptuel, lutter pour soutenir cette idée de briser les murs des institutions totalitaires, c'est quelque chose d'important pour nous de défendre et de continuer. Donc, je reviens sur mon discours. Je disais, c'était ça, les 30 ans de la loi Basaglia en Italie. C'est un peu le point de démarre de cette exposition qui est présentée par la première fois et de manière un peu naïve, car moi, j'étais vraiment au dehors du concept de l'art brut. Je voulais présenter un peu le travail soit de l'animateur, autant qu'artiste, soit d'un artiste choisi par lui pour analyser les rencontres. Et quand en fait, la chose qui m'a semblé intéressante d'analyser, et c'est un des fils rouges de mon parcours artistique, c'est le thème de la rencontre humaine. C'est ça un peu la chose que j'ai développée dedans, et ça veut dire, j'arrive aujourd'hui à dire, c'est pas Bobo, c'est pas Grotowski le maître, ou les figures maîtres, c'est la relation. Que c'est le maître. La relation, c'est un boîte vide et tout la paix remplie de tout, non? Tu peux être devant à Grotowski, mais tu peux être incapable de construire une relation, non? Et donc, ça, c'est un des arguments que ça m'intéresse. Et j'ai ressenti que c'était important, égoïstiquement pour moi, mais aussi pour la ville, de faire quelque chose. C'était un des seuls moments que ma ville s'est souvenu des 30 ans de la loi Basaglia. Il n'avait pas eu des autres commémorations. Et donc, c'était très bien passé finalement, car l'exposition elle était logée dans un ancien bâtiment, que c'est l'ancienne bourse de commerce au centre-ville. Et c'était une place intéressante, car c'était toujours ouvert. Non? Et donc, il y avait un grand passage, entrée, sortie des gens qui venaient. Et bon, voir des gens vraiment sortir émus et dire merci d'avoir été souvenirs de ça. C'est une histoire importante que nous ne devons pas oublier. Donc, ça m'a donné un peu le feedback que j'attendais, non? Et à partir de ça, c'était comme j'étais un coup de poing contre le mur, et donc briser le mur et voir qu'il y avait quelque chose ailleurs, de l'autre côté. Et j'ai continué tout en parallèle à mon parcours en tant que comédien de la compagnie del Bono, à faire des autres recherches, non? Même si je savais qu'il n'avait pas de soutien économique, je me disais, c'est important de continuer à rechercher. C'est important de continuer, en tout cas. Et comment tu menais ta recherche, en fait? Tu allais, En utilisant tous les temps disponibles, tous les très peu de temps que j'avais entre un tournée et l'autre. Quand je revenais dans les hôtels, j'ai continué à écrire, à faire des recherches sur Internet. Et c'est tout ça, en volant du temps à mon travail de comédien. Et ça, c'est petit à petit, autant que voleur, je me pris tout le temps, finalement. Et pourtant, je suis arrivé à la décision de ne pas participer à la dernière production, car c'était impossible. Heureusement, je vois des résultats. La dernière exposition que j'ai conçue pour la ville de Gênes, qui s'appelle « Nous, c'est de la parole toujours en marche », est invitée au musée Dr Guillain de la ville de Gand, en Flandre. Et en même temps, j'étais invité à faire le co-commissariat de la nouvelle exposition qui aura lieu à la Halle Saint-Pierre à partir de mars 2012. C'est une grande rétrospective, une grande panoramique de l'art outsider italien qui s'appellera Banditi dell'arte, les bandits de l'art, voilà. Et j'adore cette idée de parler des bandits, non? Donc, pas d'art brut, pas d'art solidaire, pas de surtitrage aucune, mais parler de bandits. Bandits, c'est un concept aussi poétique, mais aussi réel. Donc, si tu vois toute l'histoire de ce qu'on peut appeler art marginal ou art outsider italien, il commençait à partir du concept des bandits, dans le sens que les premiers collectionneurs, malgré lui, de ce type d'art, elle était Cesare Lombroso, le fameux anthropologue, criminologue, qui a analysé l'écran des bandits, car fin du 19e siècle, c'est une période historique pour l'Italie, la période de la difficulteuse unité nationale, c'est une période aussi où il existait le rôle social du bandit, les bandes. Et donc, en étudiant l'écran d'un des fameux bandits de la Calabrie, calabraise, lui a mis sur page son concept de l'homme criminel. Non, et un concept complètement supérieur, non, et évidemment. Mais tu vois, il y a cette idée de les bandits, non, de quelqu'un qui transgrédit en limite pour faire quelque chose, pour créer un nouvel ordre. Et c'est ça que fait l'artiste qui provient de la marginalité, c'est quelqu'un qui veut construire son propre univers, son propre monde. Donc, je ressens une empathie avec tout ça, non? Tu vois, parfois, le travail dans les théâtres, c'est un travail qui s'est un peu finalisé, et c'est un peu enfermé dans les pièges de la dramaturgie. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup nourri mon univers de comédien, de les arts visuels, et j'ai beaucoup envie, non, ho molto invidiato le travail de l'artiste, non. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui se pose pas de questions de donner un sens, non. Dans le théâtre, on est très lié à la question de donner tout, il faut donner un sens, il faut qu'il y ait un fil rouge, sinon les gens ne comprennent rien. Et donc, ce type de bandit, il s'en fout de donner un sens, d'expliquer son œuvre. Et c'est ça qui vraiment m'a assez étonné. Et ça m'intéresse de les poursuivre. Et donc, pour l'exposition Bandit de l'art à la Halle Saint-Pierre, tu travailles avec un commissaire français? Oui, c'est ça, c'est la directrice, c'est Madame Lussardi, Martine Lussardi, c'est une excellente directrice, qu'il y a plus de 50 expositions déjà réalisées. Et donc, là, le Saint-Pierre, c'est un super espace. Et donc, c'est très, très intéressant pour moi de collaborer avec elle. C'est aussi une grande occasion pour grandir. Et comment vous avez fait, en fait, pour choisir les artistes, les œuvres qui vont être dans cette exposition? Écoute, c'est intéressant, car c'est une exposition qui est un véritable travail de création, dans le sens qu'en Italie, il n'existe pas le concept d'art brut. Donc, on est un peu naïf, vraiment dans tous les sens de les mots, car on est resté dans les années 70, dans les collectionneurs d'art naïf. Alors, il n'existe pas de musées, il n'existe que des collectionneurs, mais et certains ateliers au sein des hôpitaux ouverts. Donc, il faut faire un véritable travail de recherche, prenez la voiture, aller en campagne, en poursuivant des fils rouges que quelqu'un t'amène, quelqu'un t'appelle et te dit, écoute, tu dois retrouver ce mec-là, il fait des choses un peu bizarres. Et donc, ça, c'est la chose plus intéressante, non? C'est la recherche. Et donc, tout est parti de ça pour moi. Et c'est pas que je vais pas absolument devenir un commissaire d'exposition, ni moins un fonctionnaire de l'art, mais maintenir active la recherche. Et sur ça, moi, je voulais peut-être terminer cette interview avec une phrase que je trouve très juste, justement, de Franco Basaglia, vu qu'on l'a cité tout à l'heure. Je la lis en italien, après on va la traduire en français. En italien, c'est « È vero che nessuno può cambiare un altro ». Ma è altrettanto vero che nessuno può cambiare senza l'altro. Cambiare è partecipare. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer une autre personne, mais c'est aussi vrai qu'on ne peut pas changer sans l'autre. Exactement. Donc, changer, c'est participer. Partager, fait. Oui. Partager. Oui, oui, voilà. Oui, c'est ça. Alors bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Envie d'Italie. Après avoir écouté l'interview de Gustavo Giacosa, nous avons le plaisir de l'accueillir ici dans nos studios. Bonsoir Gustavo. Bonsoir à tous. Merci d'être là, on est très contents. Et je voulais te poser tout de suite une question. Tu as déjà parlé de l'exposition I banditi dell'arte pendant ton interview. Mais est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la rencontre avec Melina Riccio, qui est une des artistes qui sera exposée à la Saint-Pierre? Et je sais qu'il y a une histoire particulière derrière cette rencontre. La chose passionnante de tous ces types d'art qu'on appelle art brut, entre parenthèses, je me demande si on a, si on a volé ou si on a cherché de, d'imiter cette catégorisation française, car en fait, nous en Italie, on n'avons pas d'art brut. Nous avons une histoire complètement différente, mais je ferme la parenthèse. Et pour dire que oui, que la chose passionnante, c'est toujours l'histoire des rencontres entre les êtres humains. Et dans ce cas, dans le cas d'artistes, de personnes avant tout, qui proviennent d'un milieu marginal, c'est assez plus fort, c'est assez plus fort. Et, par exemple, Mélina Richaud, c'est une dame qui habite Gênes. Et les classes 1967. Et pour moi, elle était un peu le point de démarre de ton recherche qui s'appelait Nous, c'est de la parole toujours en marche. Et la parole en marche, c'était une phrase d'un poème de subcommandante Marcos qui disait, en parlant de son propre peuple, les Chapas, nous les sans-voix, nous les sans-visage, nous c'est de la parole toujours en marche. Donc une parole nomade, une parole qui reste pas fermée dans un lieu unique, dans un sens unique. Et je me souvenais toujours tout de suite de cette phrase. Et quand j'ai commencé à suivre les graffitis d'un personnage mystérieux que je reconnais, j'ai commencé à rencontrer à la gare de Gênes. Et puis, parmi mes voyages en Italie, à la gare de Venise, et puis à la gare de Palerme, et puis dans les rues de Naples, et puis dans les rues de Rome. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je disais, mais c'est qui ce personnage-là? Avec un texte, un message chiffré, très codifié, très clair, avec un nom, un prénom, et une signature très précise, avec un cœur qui englobait les noms et les prénoms, et un message de paix, de retour à la nature. Et, au début incompréhensible, mais passionnant. Donc, je suivais les traces de cette message et j'avais les noms, car les noms elles étaient signés sur le mur de toute l'Italie, ça s'appelait Mélina Riccio. Alors, je me disais, qu'est-ce que c'est, cette femme-là, c'est qui? Je pensais aussi que c'était un artiste conceptuel, car à niveau des concepts, c'était très intéressant d'amener un message comme ça, non, un peu comme un tapis partout. Et donc, petit à petit, je suis venu à connaissance d'elle, qu'en fait, à Gênes, c'est devenu un peu un personnage folklorique, très connu dans les rues, qui voyage avec sa guirlande de fleurs dans la tête, et ses bourses, et ses pinceaux à la main. Et donc, mais la chose incroyable, c'est que jusqu'à le moment de l'exposition, je n'avais pas eu l'occasion de la rencontrer vraiment. Donc, que des petites rencontres. Et quand l'exposition a eu lieu à Gênes l'année dernière, 2010, à un moment donné, Mélina est arrivée. Et elle était touchée de voir que pour la première fois se voir exposé par quelqu'un d'autre, car elle n'a jamais pensé aussi son travail comme un travail artistique, au principe. Maintenant, on peut parler, mais pourtant, je peux assurer que le travail de Mélina, c'est un travail véritablement brut, non? Dans le cadre qu'elle appartient à les fameuses 3S, qui sont un peu les normes qui décident si un artiste soit doit entrer dans les concepts de brut ou pas, non, silence, secret et solitude. Et donc, elle, c'est une dame qui travaille de façon autonome et poursuit son chemin de manière totalement indépendante. Et à partir de l'exposition des gènes, on a commencé à se fréquenter, à maintenir une relation. Elle est venue chez toi aussi, non? Elle est venue chez moi, car la chose en fait qu'elle est passée, c'est une drôle d'histoire, c'est qu'à la fin de l'exposition, toutes les choses... Elle a commencé à ajouter des pièces, des objets, chaque jour. Et donc, à la fin de l'exposition, l'espace dédié à elle était complètement rempli. Et à la fin de l'exposition, on a eu de déménager l'espace muséal. Et elle me dit, bon, si tu veux conserver ou protéger tout ça, tu peux le tenir chez toi, mais il faut l'exposer chez toi. Donc, j'étais obligé à exposer tout ça chez moi et donc à faire une tapisserie générale de la maison, car elle veut que sa parole soit exposée. Donc, elle parle de son parole comme d'un verbe qui doit être communié. Non, à les autres. Donc, c'est un message qui doit arriver à les autres. Et à partir de là, a commencé toute une histoire, car Mélina s'est dédiée surtout à quitter pour quelques mois le travail sur les murs et sur les graffitis, pour se dédier à les collages et à la tapisserie. Car en fait, elle est un excellent travail. Avec les mains, quand elle était modéliste, elle travaillait dans la haute couture avant d'y avoir un problème psychologique, évident. Et donc, maintenant, à Gênes, avec le soutien de la mairie de Gênes, nous avons conçu un nouvel espace qui s'appelle Contemporart, Hospital d'Arte, ou un espace de cet hospital. Et c'est justement un endroit où Mélina vient travailler chaque jour. Donc, de façon libre, autonome, et c'est un espace où elle vient. Et il y a les clés, elle est libre. C'est pour... sa nouvelle maison. Oui, c'est sa nouvelle maison, en fait. Oui. Ah, et tout ça s'est déroulé à partir de l'exposition. Puis, finalement, en France, elle était connue car elle était la couverture d'une importante revue d'art contemporain qui s'appelle Area, gérée par la galerie d'Alain Avila, Area. Et elle est sur la couverture en donnant un autre visage à la folie qui est toujours... on est dans les préconcepts de la douleur, de la souffrance. Donc, par contre, Mélina, c'est quelqu'un de très joyeux et très à l'aise avec sa propre condition. Et puis, sera dans l'exposition Banditi de l'art à la Saint-Pierre. Donc, on pourra voir et la connaître. Et venez la découvrir, oui. L'année prochaine. Alors là, on vient de découvrir une jeune femme, enfin, une femme qui s'est découverte artiste. Je voulais demander à Marguerite, est-ce que sur cet art irrégulier, etc., est-ce qu'il y a des historiens de l'art qui étudieront un jour Mélina Riccio comme porte-parole de... Oui, tout à fait, il y en a. Alors, il y a Bianca Tosatti qui a le mérite d'avoir fait connaître la discipline l'art brut en Italie et qui est en fait la grande spécialiste italienne. Il y a aussi Daniela Rosi qui, l'année dernière, a mis en place un projet tout à fait nouveau et atypique. Qui y a conçu une exposition itinérante sur 10 étapes, aménagée dans un camion. Et c'était une exposition qui s'est modifiée à chaque étape. Donc, Daniel Rosi, c'est aussi commissaire d'exposition et professeur. Mais il y a aussi des jeunes chercheuses qui collaborent avec des universités, notamment... le département de psychologie de l'art de Bologne, qui est un peu depuis longtemps le centre névralgique des recherches et des études. Où tu as étudié d'ailleurs, non? Ouais, j'ai fait mes études là-bas. Et il y a, notamment ma collègue Sara Ugolini, qui à propos des rencontres l'a connue aussi, Maria Concetta Cassara, qui est une artiste d'origine sicilienne qui a exposé à Orizzomi et à Heidelberg aussi. Qui a commencé, elle aussi, à peindre très tard, en regardant sa nièce, environ vers l'âge de 60 ans. Et elle fait des peintures très riches en éléments et en couleurs. On a des fleurs partout, des animaux, des hommes à la barbe, des pots de fleurs. Il y a tous les folklores siciliens qui sortent. Et juste en dernier, il y a l'Université de Palerme qui a aménagé un observatoire d'art brut qui est dirigé par le professeur Eva Di Stefano, qui a aussi un site internet très intéressant où on peut lire une revue trimestrielle, notamment le dernier numéro vient de paraître, qui parle justement de la Tinaia, de Cassara, mais il faut lire, je suggère de lire aussi tous les autres parce que sont très intéressants. Et l'Observatoire s'occupe aussi, pas seulement de l'information, mais aussi de la tutelle des sites et des œuvres d'art. Donc ça, c'est très important aussi. Ouais, je pense que ça, c'est une question intéressante sur laquelle réfléchir. Je veux dire, comment préserver ces œuvres d'art de tous ces artistes. Déjà les trouver, mais aussi après les préserver. Donc je pense qu'il y aura un autre sujet à approfondir sur ce thème. Je sais pas si tu veux dire un mot sur Gustavo, sur cette idée de protéger ses œuvres d'art. Ouais, en fait, pour moi, je connais toutes les personnes très bien qui ont été nommées maintenant. Et pour moi, c'était vraiment difficile et concevoir l'exposition Banditi dell'Art. En fait, en Italie, il n'existe pas un musée, il n'existe que des collectionneurs privés. Mmh. Et donc, c'était une véritable recherche, un véritable travail de recherche qui est passé notamment pour la prise de contact avec des autorités de l'art, disons comme ça, mais aussi par des contacts, des porte-parole passés par des autres, non? Ça, c'était très intéressant, c'était vraiment le plaisir de la recherche. Par rapport à la conservation, tu ouvres tout un chapitre énorme. Et en Italie, bon, il y a eu un débat à un moment donné autour de la création ou pas d'un musée. Elle était soutenue par Bianca Tosati, mais que finalement, elle n'a pas vu la lumière à cause de différents problèmes économiques. Et à un moment donné, je crois que Bianca Tosati s'est un peu retirée à l'arrière de ce projet-là. Et en effet, le temps aussi impose un peu une réflexion, je crois. Non? Et maintenant, un musée tout court, et je ne sais pas si ce sera justement une bonne idée. Et je crois que c'est intéressant des sites comme les observatoires d'art outsider, celle de Palerme et celle de Vérone, car Daniela Rossi, j'ai aussi un centre à Vérone. Et je crois que c'est important de chercher de créer un tissu de recherche, non? Comme où tous les matériels, où toutes les informations circulent et peuvent passer. Non. Ça, malheureusement, ne passe pas. Et typiquement en italien, les choses restent très isolées, très éparpillées. Et donc, à mon avis, rêver un musée à la façon de les lames, à la façon de Lausanne, je ne sais pas, j'ai quelques doutes. Mais peut-être, comme tu disais, on pourra trouver une autre façon de valoriser cette... Je crois qu'il faut trouver une autre façon qui dialogue avec notre temps. Et notre temps aussi, des crises, notre temps économique aussi. Bien sûr. Non. Mais c'est vrai aussi que des observatoires comme ça ont un côté didactique par rapport à l'art brut très développé. Donc il y a beaucoup d'informations qui passent. C'est une très bonne manière de faire de la publicité, d'en parler, de faire connaître les artistes, de faire connaître les étudiants, de faire connaître les chercheurs. Donc ce sont des points très importants pour la connaissance de l'art brut. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je suis sûr qu'avec mes collègues Irène et Daniela, on pourra peut-être approfondir l'année prochaine encore ce thème, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et bah, donc, on vous remercie d'avoir passé cette soirée avec nous. Et on vous dit au revoir. Et nous, on continue en annonçant. Juste un petit mot avant la fin, d'ailleurs, toujours en parlant d'art. Vous vous souvenez, on a fait une émission donc consacrée à la culture italienne et on avait eu parmi nos invités Igor qui nous avait annoncé son prochaine exposition à l'Institut de culture italienne. Eh bien, l'exposition inaugurera ce mercredi 7 décembre à 18h. C'est l'exposition Graphic Novel .it et qui réunit un peu tous les artistes de la bande dessinée italienne. Donc il y aura Igor notamment, puis il y aura Lorenzo Mattotti, Francesco Cattani, Alessandro Tota. Et le jour du vernissage, il y aura aussi les artistes seront présents. Donc ça peut être une bonne occasion pour parler avec eux. L'exposition se terminera le 17 février. Donc il y aura quand même. On remercie encore aussi on voulait quand même remercier tous nos invités, Giuseppe Dell'Arco qui est le directeur du Centre de santé mentale de Trieste que vous avez écouté au début de l'émission, Gustavo Giacosa, artiste et commissaire d'exposition des banditi dell'arte à La Saint-Pierre qui était avec nous ce soir, Margherita Poli, chercheuse qui était elle aussi avec nous dans nos studios. Et après autres choses. Oui, on vous rappelle que l'émission c'est rediffusée comme chaque fois le jeudi à 8h et vous pouvez ensuite la télécharger sur notre site internet http://envieditalie.fppradio.wordpress.com et vous pouvez bien évidemment nous contacter à l'adresse mail envieditalie.fppradio@gmail.com ou à travers notre page fan sur Facebook. Voilà, abonnez-vous à notre page, surtout parce qu'on poste beaucoup de messages et aussi des contenus qu'on n'a pas le temps de vous faire écouter pendant notre émission. Voilà. Et d'ailleurs, on mettra en ligne aussi toutes les références des livres dont on a parlé, des extraits qu'on vous a fait écouter. Écoutez, voilà. Et alors encore un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Avant tout Francesco à la technique et aussi mes collègues Irene et Daniela. Et Veronica. Moi-même. Et aussi Salvatore Ossini de la Ville des Gens qui nous fait toujours un peu de pub sur son site. On vous dit au revoir, c'est-à-dire on se voit l'année prochaine. Envie d'Italie. En français. Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement. D'ici. Per molto tempo fui ebanista. Operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista. In questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare. In via delle usciate tanto per fare. Contenti di vederle cervellare. Les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chadet, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere. Cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete la macchina girare, dal ricco ammirate la testa, via volare. Eccoci biancheci di cervella, i pargolini mangiano e noi pure.